Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, émission du 25 décembre. Gaëtan Gosselin au microphone, quel plaisir de vous retrouver en soirée de Noël. J'ai pensé vous proposer ce soir une heure d'écoute sonore inspirée des théories du hasard en vous concoctant un programme d'œuvres sonores et musicales qui ont été créées et interprétées par des artistes, groupes d'artistes, musiciens, musiciennes, compositeurs, compositrices, dont le nom et le prénom ou le prénom de famille est Noël. Et je m'étonne encore de constater combien ils sont nombreux, nombreuses, les artistes sonores, expérimentateurs, à porter ce nom mémorable de Noël. Je vous en ferai la démonstration à l'écoute des Noël à côté, Sheila Noëlla, Rémi Noël et j'en passe de nombreux. Eh bien, je lance cette soirée de Noël sonore qui ferait plaisir sans doute à John Cage ou encore aux amateurs de Yi King avec une pièce intitulée « Nostalgie fragile » du jeune créateur japonais Noël Yamizu, un album réalisé en 2022 et relatant le souvenir vénérable, mais précieux, d'un été déjà lointain. Certes, on écoute Noël Yamizu, Nostalgie fragile. Thank you. Je vous présente maintenant quatre courtes créations de l'artiste sonore néo-zélandais Noël Meek. C'est tiré d'un album intitulé Mirror One, des créations réalisées avec la collaboration de l'artiste chinois Yan Jun. Le projet a été réalisé à Auckland et à Pékin en 2021. Mon prochain invité a pour nom Noël Lerson. C'est un artiste et musicien californien très inspiré par le temps des fêtes. Il lançait le 24 décembre 1999 un album intitulé Noël 2K, dont je vous propose ce soir un extrait, une création minimaliste intitulée Clock, composée et interprétée par l'artiste californien Noël Lerson. Thank you. Voilà, vous écoutez La Croche-Oreille qui vous propose ce soir des œuvres créées par des artistes qui ont Noël pour nom ou encore prénom. Et dans ce contexte, quel plaisir de vous présenter Noël à côté, compositeur et explorateur sonore dont la production est vraiment foisonnante. Il a eu, lui, cette belle idée d'explorer des compositions qui parcourent l'histoire des musiques expérimentales. Un projet enregistré en 2016. On écoute ce soir le célèbre The Well-Tuned Piano, une œuvre du compositeur minimaliste Lamonte Young, version guitare de Noël à côté. C'était Noël à côté. Vous savez, on fait parfois des trouvailles assez étonnantes. Un titre d'album, Great Spirit Watching Over Us, Le Grand Esprit Veillant sur nous. C'est une chanson écrite par Heather Noël, interprétée par Sheila Noella et des complices. Un album intitulé Las Curanderas, lancé le 24 décembre 2019 pour célébrer l'anniversaire de Sheila Noella et bénir le chemin de sa quête de guérison. Ça se passait au Mexique. Alors on écoute cette merveille, Great Spirit Watching Over Us. Great Spirit watching over us, Great Spirit watching over us, Great Spirit watching over us, watching over us. Star people watching over us. Star people watching over us. Star people watching over us. Watching over us. Ancestors watching over us. Ancestors watching over us. Ancestors watching over us. Watching over us. Sun and moon watching over us. Sun and moon watching over us. Sun and moon watching over us. Watching over us. Tree people watching over us. Tree people watching over us. Tree people watching over us. Watching over us. Water protectors watching over us. Water protectors watching over us. Water protectors watching over us. Watching over us. Children watching over us. Children watching over us. Children watching over us. Watching over us. Abuelitos watching over us. Abuelitos watching over us. Abuelitos watching over us. Watching over us. Curanderas watching over us. Curanderas watching over us. Curanderas watching over us. Watching over us. Curanderas watching over us. Curanderas watching over us. Curanderas watching over us. Watching over us. Dans une perspective toute différente, je vous propose maintenant l'écoute d'un titre archi connu interprété par le duo Une cassette de Noël. C'est un duo montréalais composé pour l'occasion des artistes Karl-Éric Hudon et Ariane Zita. Je vous présente une courte version de Mon beau sapin qui va vous réchauffer le cœur, j'en suis persuadé. Alors, on écoute ça. Tu qu'on l'écoute ou... Non, mais j'ai trompé dans les paroles. OK, tu qu'on la fasse tout? Oui. Mich fasst ihren. Pour clore cette première demi de l'émission, je vous propose une pièce réalisée par le groupe Noël and to Hit. Pour en finir avec Noël, je fais une traduction assez libre, qui nous propose un Noël blanc aux allures cosmiques. C'est tiré d'un album intitulé « Hymne pour les insurgés festifs », album qui a été réalisé en 2016 au profit de Médecins sans frontières. Alors on écoute ça, « White Christmas », tiré de l'album « Anthems for Festive Insurgents ». Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission pour ce soir. Vous êtes sur les ondes de la Croche-Oreille, sur CKRL de 89.1. Alors je vous reviens après un bref battement promo. Thank you. C-K-R-L-89-1. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, rebonsoir tout le monde, c'est La Croche-Oreille, édition du 25 décembre. Gaëtan Gosselin au microphone avec vous ce soir jusqu'à 22h, avec des œuvres sonores, des musiques créées ou encore interprétées par des artistes, compositeurs, compositrices dont le prénom ou le nom de famille est Noël. Et je lance ça avec un musicien guitariste qui s'amuse avec les micros, qui produit des morceaux, chante parfois, mixe le tout. Il fait ça avec son ami Eric, dit-il. Alors, il s'appelle Jake Noel, un artiste de Chicago, un titre intitulé Sweet Dream numéro 2, Blissfully Beyond. C'était lancé en 2015. Alors, on écoute ce titre de Jake Noel. Thank you. On poursuit maintenant avec un titre célèbre dans la sonographie des fêtes du Québec, le Sentier de neige, cette fois interprété par le collectif Un Noël à Butch, collectif composé d'Ariane Zita et de ses amis. Vous trouverez ça sur la plateforme Bandcamp, alors en direct ce soir des studios de CKRL. Le sentier de neige courant la vallée où dansent en cortège des sapins gelés est resté bien sage, témoin d'un baiser que sur ton visage je t'avais volé. Les flocons de neige couvraient tes cheveux et la lune beige nous rendait heureux. Je t'ai dit je t'aime dans la paix des bois, la neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige, si pur et si doux, depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit, je t'aime dans la paix des bois, la neige en poème fondait sous mon corps. Si pur et si doux, depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit, je t'aime dans la paix des bois, la neige en poème fondait sous nos pas. Je vous présente maintenant une création de Noël, Long Haul, intitulée Loon, et c'est tiré de l'album Sawhorse. Long Haul est un artiste visuel, un musicien folk et un tatoueur. Sawhorse est dédié à un être humain qui est là-bas, dit-il, dans le monde. C'est un cadeau de la nature sauvage qui existe entre nous. Alors on écoute un court extrait tiré de l'album Sawhorse de Noël Long Haul. cette fois dans une veine tout à fait différente, on va écouter une création du trompettiste réputé Noël Langley. C'est un musicien hors norme au service de nombreux artistes, de Radiohead à Robbie Williams. Je vous propose une pièce intitulée « For the Uncommon Man » qui a été composée par Langley à l'âge de 15 ans pour rendre hommage à son père. On écoute ça pour un homme sans pareil de Noël Langley. Thank you. On vient d'entendre Noël Langley, un extrait de For the Uncommon Man. On va maintenant méditer le sonore du temps des fêtes avec Noël Rassendrasson. C'est un illustrateur et auteur de bandes dessinées qui explore le son et la musique en autodidacte. Je vous fais entendre ce soir une pièce intitulée Ancien des Cimes. C'est tiré de l'album Explorer l'Ancien. Explorer l'ancien, raconte Noël Rassendrasson, c'est explorer les sources, c'est redécouvrir le monde avec une volonté de redonner du sens. Alors on écoute cette pièce, c'est tiré de l'album Explorer l'ancien. Eh bien voilà ce qui achève la croche-oreille du 25 décembre 2022. Grand merci aux artistes nommés Noël pour ses œuvres sonores et musicales. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-oreille, ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Pour terminer la soirée, on écoute une création de Cédric Noël, un artiste montréalais qui lançait ce nouvel album intitulé Patterning, c'était en 2020. Il présentait ça comme un cadeau de fin d'année pour ses amis, des pièces composées de boucles sonores. On écoute une pièce intitulée Swirl de l'artiste Cédric Noël. Voilà, joyeux Noël à toutes et tous. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre aventure sonore. Au microphone, Gaëtan Gosselin qui vous salue.